L'Argentine, Perón et les péronismes. Il arrive au pouvoir avec une équipe d'officiers en 1943. Massivement, des gens qui sont plutôt contre les alliés et en faveur de l'Axe. Ce groupe des officiers unis prend le pouvoir sur les ruines d'une Argentine dans laquelle la démocratie avait été totalement ridiculisée depuis 10 ans par la fraude systématique aux élections. Ce groupe d'officiers prend le pouvoir, Perón est l'un d'entre eux. Il a simplement le génie à ce moment-là d'occuper un poste apparemment marginal, le secrétariat au travail. Et c'est là où il lance une campagne en faveur des travailleurs, au sens où on le dirait en France, en faveur des ouvriers, des paysans, des pauvres, véritablement une campagne immédiatement extrêmement populaire, qui fait que au lendemain de la guerre, nous sommes en octobre 1945, les militaires, ses compagnons, le chassent du pouvoir et l'emprisonnent, parce qu'il y a une très forte pression des classes dominantes. Qu'est-ce que c'est que ce personnage un peu curieux qui tranche avec l'ambiance militaire de l'époque? Une semaine après son arrestation, une manifestation de masse se déroule. Nous sommes le 17 octobre 1945. Les militaires sortent Perón de sa prison, le mettent au balcon de la Casa Rosada, le palais présidentiel, essayent de calmer le mouvement. Et Perón, remis en liberté, est dans une situation totalement inarrêtable. Il sera candidat à la présidence de la République, élu à partir de 1946, président de la nation, puis réélu 6 ans plus tard. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Un témoignage du diplomate français Jean Mendelssohn. Donc ça fait 3/4 siècle que le péronisme a commencé. Le président Perón a été élu 3 fois. Il y a eu plusieurs figures de proue féminines. Evita, Isabelita, Cristina Kirchner. Plusieurs présidents péronistes après Perón. Et on n'arrive toujours pas à savoir ce qu'est précisément le péronisme. Umberto Cucchetti, bonjour. Bonjour, monsieur Jean Lebrun. Je le prononce, votre nom, un peu à l'espagnol, mais si vous étiez italien d'origine, on dirait... Je crois que Cucchetti. Et vous êtes italien d'origine? D'origine, oui. Ouais. Alors, vous travaillez à l'équivalent du CNRS en Argentine, et puis vous êtes pour quelques mois en France, après avoir publié un livre sur Perón aux presses universitaires de Rennes, et vous travaillez dans une institution assez peu connue des Parisiens, l'Institut d'études avancées, qui est basé à l'île Saint-Louis. Alors, en général, quand quelqu'un de l'Institut d'études avancées vient ici à ce micro, il dit « Oh, moi, je travaille dans le bureau de Baudelaire ». Vous aussi? Par exemple, moi. Exactement. Oui, moi, je pense que le bureau de Baudelaire a été un peu étendu, quand même, pour faire plaisir à chacun des membres de l'Institut d'études avancées. Vous-même, vous n'arrivez pas à dire ce que c'est que le péronisme? Parce que je crois que, en tout cas, les définitions qui tournent autour de ce phénomène réduisent un petit peu la complexité de justement presque un siècle d'histoire. Il y a différents moments et il y a des caractéristiques qui partagent et qui traversent toute la période. Il faut saisir à chaque moment. Alors comment le péronisme évolue? On va commencer avec le premier moment. Vous étiez l'Argentine, un pays de structure agraire, où l'industrie commençait à se développer, mais où, quand Perón apparaît, la production nationale n'appartient pas vraiment à une bourgeoisie nationale. La production industrielle, elle appartient à qui? Il y avait des familles et des structures institutionnelles liées à l'exportation agricole, un marché du blé. Ce que le péronisme fait, c'est d'en profiter à partir d'un contexte qui est très particulier, celui de l'après-guerre, pour créer une structure de nationalisation de revenus qui n'est pas une nationalisation directe, mais d'un contrôle pour arriver à financer le développement industriel et de créer un certain système de distribution de revenus à l'intérieur des classes ouvrières et des classes populaires argentines. Perón, on l'appellera le premier travailleur. Et on dira du péronisme qu'il est un justicialisme, c'est-à-dire que la justice sociale est au centre du système. Exactement, c'est-à-dire le péronisme, c'est-à-dire un mouvement d'origine personnelle qui se fonde sur le charisme d'une personne, du leader, du travailleur, du premier travailleur, mais en même temps qui se fonde sur l'idée de justice sociale. Pourquoi? Pour se différencier évidemment de la tradition libérale individualiste, mais aussi pour ne pas être confondu avec le communisme et le socialisme de l'époque. Alors, le charisme du général, vous insistez beaucoup sur la notion de charisme. Et vous dites que la démocratie, les élections maintenues, elles sont là pour justifier, par le vote, le charisme du chef. Exactement. C'est-à-dire que dans la dynamique démocratique du péronisme, l'aspect plébiscitaire des élections est fondamental. Il y a des tensions très fortes à l'intérieur de ce qu'un régime républicain, du respect entre les différents pouvoirs d'État, notamment les relations entre Perón et le Parlement, qui est en même temps une caractéristique typique des régimes exécutifs présidentialistes. Démocratie plébiscitaire. Le charisme, il est aussi celui de l'épouse du général Perón, bien connue encore dans les mémoires, Evita Perón, et qui joue un grand rôle dans la redistribution sociale, et qu'on voit souvent haranguer, debout, et puis, quand sa mort approche, coucher le peuple d'Argentine. Leader que le destin formait pour affronter victorieusement les problèmes de l'époque, le général Perón, avec lui et avec le vote, nous contribuerons au perfectionnement de la démocratie argentine. Mes chers compañeras. Le 22 août 1951. Je n'ai jamais rien voulu pour moi. Ma gloire restera toujours le destin de Perón et le drapeau de mon peuple. Et si je laisse en chemin des lambeaux de vie, je sais que vous vous servirez de mon nom comme porte-drapeau jusqu'à la victoire. Elle s'adresse au peuple argentin de son lit d'hôpital. Elle lui fait ses adieux. Elle sait qu'elle va mourir un peu plus tard. Je propose d'écouter ce dernier discours d'Evita Perón, donc le 28 septembre 51. J'espère être bientôt avec vous dans la lutte, comme tous les jours des années heureuses. De cette nouvelle Argentine de Perón. Et c'est pourquoi je vous demande de prier Dieu, afin qu'il me rende la santé. Non pour moi, mais pour Perón et pour vous, mes sans chemise. Vous tous, je vous sers sur mon cœur dans lequel il n'y a que l'amour de Perón et de mon peuple. L'idole des sans chemise meurt prématurément. Ce sont les extraits d'une émission de Patrice Gélinet, Les jours du siècle. Elle disparaît en martyr sur le front. C'est aussi une époque où on dit que Perón, lui, ne va pas mourir. C'est une époque, ce sera plus tard. Mais ce que dévoile un peu tous ces passages, l'intronisation d'Eva Perón, les funérailles, sa récupération après, et ensuite les discussions qui ont eu lieu au début des années 70 autour de la santé du leader qui allait être de retour au pouvoir, ce sont des dynamiques en termes qu'on peut comprendre les spécialistes en termes de religion séculière. Religion séculière. C'est-à-dire qu'un mouvement comme le péronisme, d'une base catholique très forte, du point de vue de sa base des militants, des dirigeants, mais aussi de son discours, à un moment donné commence à s'entroniser lui-même en tant que référence sacrée dernière. Parce que vous n'aimez pas le mot populisme, en fait, Umberto Cucchetti, à propos de Perón, comme à propos d'autres mouvements, parce que on fourre le péronisme dans le sac des populismes, et ça ne nous avance pas beaucoup. Ce mot témoigne plus d'une paresse intellectuelle que d'une véritable analyse, non ? Il y a des très très bonnes analyses par rapport au populisme, du point de vue conceptuel, et du point de vue historique. Et je pense que c'est pertinent le fait de dire que le péronisme a des traits populistes incontestables. Et en même temps, l'idée des populismes reste liée à des querelles, à l'objectif de connoter, à des discussions parfois polémiques, voire militantes. Vous voulez dire que c'est péjoratif ? En général, il y a un usage péjoratif d'accuser l'autre de populiste ou un phénomène qu'on n'aime pas en tant que tel. Mais évidemment, il y a dans cet aspect, dans beaucoup d'aspects du péronisme, des éléments historiques qui coïncident ou qui correspondent à une certaine idée de populisme. Allez, Hardy les enfants, les muchachos, c'est un hymne des jeune péroniste de la fin des années 1940. De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Perón, avec Umberto Cucchetti, qui a publié un livre sur le péronisme aux presses universitaires de Rennes. Alors vous nous disiez, c'est une religion séculière. Oui, mais il y a le catholicisme en Argentine. Et à la fin du premier péronisme, après la mort d'Evita, il y a eu une concurrence entre l'Église et le péronisme. Déjà, Evita, elle avait commencé avec ses activités sociales à enlever un petit peu de l'exclusivité que l'Église avait sur l'assistance. C'est vrai. Dans la deuxième présidence de Juan Perón, vers 1952, et après la mort d'Eva Perón, il y a une avancée du péronisme dans plusieurs domaines de la vie sociale, de la vie institutionnelle du pays, et notamment une prétention culturelle de totalisation, en quelque sorte, de commencer à entamer une dispute très agressive à l'égard de l'Église catholique, c'est-à-dire à la fin de l'année 1954, ce qui déclenche un conflit très aigu et violent entre l'antipéronisme qui va rallier les forces derrière l'Église catholique et le gouvernement de Juan Perón. L'analyse à ce sujet d'un journaliste de La Croix, plus tard dans les années 1970, il s'appelle Christian Rudel. Divorce avec les classes dirigeantes et divorce avec l'Église catholique. L'Argentine est un pays très catholique, 85-90% d'Argentins se déclarent catholiques. Il y a eu un malaise vers les années 53-54-55, certains éléments du rassemblement péroniste mis sur pied sont aperçus que, ma foi, l'Église, au même titre que l'oligarchie en place, était un frein au développement économique. Mais disons qu'il y a eu des heurts très caractéristiques lorsque Perón a voulu introduire, par exemple, la législation sur le divorce. Alors là, ça n'a plus marché. Donc, heurts avec le cardinal, fuite mouvementée de celui-là, excommunication de Pie XII, bien sûr. La masse marque quelques hésitations, mais c'est ce dont profitent les classes au pouvoir pour dire Perón ne connaît rien en économie et conduit le pays à la catastrophe, il est temps que nous reprenions les choses en main. Et en 1955, coup d'État anti-péroniste, qu'à la réflexion, l'écrivain Ernesto Sabato observe ainsi. Cette nuit de septembre 55, pendant que nous, médecins, latifondières, écrivains, fêtions bruyamment la chute du tyran, je vis, dans un recoin de l'office, des indiennes, les yeux mouillés de larmes. Jamais cette dualité ne m'était apparue de façon aussi émouvante. Alors les infestoires, et puis les indiennes à l'office pleurent. C'est ce que produit en tout cas la chute des Perón, de la population la plus pauvre, la plus défavorisée du pays, à partir de l'exil du président Perón, mais aussi à partir de tout un ensemble de mesures qui visaient tous les symboles du péronisme. La dépéronisation. La dépéronisation, exactement. Mais alors, les sociologues comme vous, ils rôdent les concepts à l'épreuve du péronisme. Alors il y en a un, chez Max Weber, qui s'appelle « routinisation ». Le charisme se routinise. Mais, depuis son exil de Madrid, le général Perón radicalise ses partisans. Et vous étudiez tout un groupe de militants, c'est ça l'originalité de votre travail dans le livre des presses universitaires de Rennes, qui sont assurés d'une mission par Perón, qui est loin. Vous êtes la nouvelle génération, vous êtes le transfert générationnel, soyez des péronistes radicaux. Oui, parce qu'à l'époque, il y a une tension dans le péronisme. Il y a la possibilité, Perron, loin du pays, que le péronisme se routinise, s'institutionnalise. Ce que Perron ne veut pas. Et lui, il va forcer des contradictions au sein de la politique argentine pour envoyer un message de radicalisation et faire en sorte de devenir un élément de tension dans un système politique qu'il excluait. Il ne pouvait pas rentrer au pays. Et c'est à cette époque qu'il y a eu beaucoup d'organisations de jeunes militants issus parfois du catholicisme, issus du même catholicisme qui était anti-péronisme en 1954, mais qui a commencé, pour des raisons différentes, à adhérer au péronisme et à une image du Perón qui était très radicalisée. Oui, mais en même temps, il y a plus radicaux encore que les radicaux péronistes dans toute l'Amérique latine. L'Argentine est un symptôme de ce qui se passe aussi dans toute l'Amérique latine. Des mouvements révolutionnaires naissent, et vous allez avoir en Argentine les Montoneros, par exemple. Par exemple, qui sont issus pour la plupart du catholicisme, parfois du nationalisme, et des groupes très à droite, qui vont adhérer au péronisme et qui vont évoluer dans une version radicalisée, socialiste et de gauche. En 1970, il y a un événement qui fait image. Un ancien président de la République est kidnappé par les Montoneros qui vont l'interroger, avant de l'exécuter, sur le sort qui a été fait à la dépouille d'Evita Perón, laquelle s'est volatilisée, a disparu. Exactement, et ce qui montre en fait que, tout d'abord que ce groupe fondateur de Montoneros, évidemment ne obéissait pas aux ordres de Perón, c'était sa façon radicalisée et spectaculaire d'entrer et d'adhérer au péronisme, mais c'était aussi un message à Perón lui-même, parce que ils lui disent, finalement, nous sommes venus ici avec une image du péronisme, avec nos méthodes, et c'est à vous de choisir si vous acceptez, vous nous acceptez ou pas. Mais Perón, lui, il était contre la lutte armée, contre le passage à la violence. Il a plusieurs Perón. il croit que la lutte armée, ça fait partie des formations spéciales. C'est-à-dire que ce sont des groupes pour agir dans un contexte de dictature, mais qu'en tout cas, ils devaient contrôler les processus de commandement du mouvement péroniste. Le problème, c'est que ce n'est pas la même idée des Montoneros, qui croient qu'ils ont une autonomie décisionnelle, même par rapport à la voix du leader. Alors, le leader est en exil à Madrid. Il est tenté parfois de rester les pieds dans ses pantoufles. Il est peut-être stimulé aussi par sa nouvelle épouse, Isabelle, qui va se présenter comme Isabelita. En tout cas, on l'entend ici, en 1972-1973, il se prépare au retour qui va avoir lieu dans peu de temps avec un dispositif de couple. Lui sera président, Isabelle sera vice-présidente. Vous savez, 10 ans au gouvernement, ça finit par vous abrutir. Tout le temps à signer des paperasses, à peine le temps de lire les journaux. Pendant mes 12 années d'exil en Europe, j'ai passé mon temps à étudier. Vous vous rendez compte du profit que j'ai pu en retirer? Ce n'est quand même pas la même chose d'étudier à 7 ans ou à 70 ans. Ça vous profite mieux à 70 ans, évidemment. Le choix de votre femme Isabella comme candidate à la vice-présidente, c'est vous? Non, c'était le congrès national justicialiste. C'est lui qui décide la politique du mouvement. Bien sûr, mais il y a plusieurs tendances dans le congrès. Et alors, le retour du couple est, Humberto Cucchetti, très très difficile. 1 million de personnes attendent à Buenos Aires, et puis les Montoneros provoquent une rixe, il y a pas mal de morts, et le couple doit atterrir sur une base militaire. Déjà, ça s'annonce mal. Ça s'annonce très très mal, d'une précision très courte dans son cas, parce qu'il meurt en 1974. Et là où ces conflits avec les organisations armées, péronistes et non péronistes, se radicalise et déclenche une violence d'État inouïe. Et à partir du massacre de Ceiza, c'est le retour de Perón définitif au pays, où il y a des affrontements entre l'organisation de l'événement contrôlée par entre guillemets, la droite péroniste, et des groupes de la jeunesse péroniste de gauche qui viennent à grand meeting à recevoir le général, accueillir le recevoir. Donc ça termine dans un véritable massacre, et ça produit finalement un basculement à l'intérieur du système de pouvoir péroniste qui va essayer d'éloigner, même par la force, toute sa concurrence radicalisée de gauche. Donc il n'a pas réussi à réaimanter avec un aimant les forces dispersées. Il meurt en 1974 avec cet éloge funèbre. Jamais tant d'hommes ne doivent tant à un seul homme. Oui, mais alors la vice-présidente Isabelita va s'avérer être une présidente catastrophique. C'est une présidence en tout cas extrêmement chaotique. C'est un véritable échec du point de vue politique. Un échec en termes d'état de droit, parce que la répression est féroce. Et elle n'est pas légale, elle est paralégale. Mais c'est aussi un échec économique, parce que c'est la politique de rigueur qui commence avec une situation inflationnaire qui ne peut pas être contrôlée par son gouvernement. Super inflation, ce qui fait que le peso argentin est dévalué et que dans les pays alentours, on dit « venez en Argentine avant qu'il ne soit trop tard ». C'était un slogan comme un autre. La dictature s'en suivra en 1976, mais le péronisme va survivre. Alors c'est ça qui est très intéressant dans votre hypothèse sur la religion séculière. Le péronisme, plus qu'un populisme, c'est, dites-vous, une religion séculière. Une partie des péronistes vont se convertir au catholicisme, enfin au modèle politique catholique intégral. Un groupe de militants péronistes, issus de cette organisation du transfert générationnel, par l'intermédiaire de l'université jésuite de l'époque, de l'Université del Salvador, commence dans un processus de redécouverte de la religion catholique et des rites catholiques à partir de plusieurs modèles. Mais ça, c'est un destin collectif particulier. Mais je voudrais qu'on s'y arrête, parce que le provincial des jésuites, celui qui voit ou opère le transfert des militants péronistes au contrôle de l'université d'El Salvador, il s'appelle Bergoglio. Exactement. C'est le futur pape. Alors c'est quoi le rapport du pape avec le péronisme? Bon, il y a des aspects dans la biographie de Jorge Bergoglio, de François, du pape François, qui reste dans des zones un peu grises. Mais en tout cas, il était lié, il était prêtre, il était jésuite, il était proche, il n'était pas le seul en fait, du monde des militants péronistes, de gauche, de droite, contestataire, pas très contestataire. Et dans sa position institutionnelle, au sein de la province jésuite argentine, il cède le contrôle de l'université, des institutions scolaires jésuites, à une fondation qui était contrôlée par des anciens membres de cette organisation du transfert générationnel. Retenez cette formule de notre invité. Péronisme et catholicisme sont des espaces aux qualités isomorphe, avec la même recherche d'une communauté organisée, quoi. Hein, avec des ressemblances, total. Du point de vue du message, du type de message, des conceptions des masses, soit la religion, c'est pour tous. Et parfois, avec un contenu qui est aussi partagé, parce que, en fait, le péronisme reprend des discours catholiques de la moitié du XXe siècle argentin. En 1983, à la chute de la dictature, les péronistes ne reviennent pas, mais ils reviennent ensuite avec Menem, puis avec Kirchner. Voici Kirchner inaugurant un espace mémorial dans un lieu de torture de la dictature militaire passée. Chères grand-mères, mères et enfants d'eux, il faut appeler les choses par leur nom. Et ici, si vous le permettez, je le fais non comme camarade et frère de tant de nos camarades et frères côtoyés en ce temps-là, mais en tant que président de la nation argentine. Je viens demander le pardon de l'État pour la honte de s'être tu pendant plus de 20 ans de démocratie. sur tant d'atrocités. Et parlons clair. Ce n'est pas la rancœur ni la haine qui nous guide et me guide. C'est la lutte pour la justice et contre l'impunité. Et à ceux qui ont commis ces faits sinistres et macabres, dans tant de camps de concentration comme l'était l'ESMA, ils ont un seul nom, ce sont des assassins répudiés par le peuple argentin. Pour cela, frères et sœurs présents, camarades qui sont présents ici plus que jamais, mères, grand-mères, jeunes gens, merci pour l'exemple de la lutte. On voit le vocabulaire péroniste, frères, sœurs, camarades, et l'État. Alors, s'il fallait résumer le péronisme, c'est une religion séculière et elle met l'État au centre. Les péronistes, j'allais dire que c'est des jacobins, mais enfin, c'est trop français de dire ça. Met l'État au centre, le péronisme, ça c'est vrai. En même temps, avec des différences, avec des processus de totalisation qui ne seront pas comme dans d'autres régimes de type totalitaire. Et je pense à ce discours de Néstor Kirchner qui vient d'être évoqué parce que là, et par rapport aussi à la question de l'État, il y a des différences très sensibles entre la période Menem des années 80 et la période qui commence en 2003. Tout en soulignant que les contextes changent, tout en soulignant que le même kirchneriste appuyait Cristina et Néstor dans les années 80, les politiques de Carlos Menem, il y avait une phrase, réduire l'État pour agrandir la nation. Mais quand le contexte change au début du siècle, là c'est toute une autre démarche avec d'autres ressources qui sont disponibles grâce à nouveau aux exportations agricoles. Eh ben, c'est compliqué hein, le péronisme. Bonjour Fabrice Drouel, vous savez, Fabrice, ce que disait saint Augustin du Temps, quand on me demande ce que c'est, je ne sais pas. Si on me demande pas ce que c'est, je le sais. On pourrait parler du péronisme un petit peu de la même façon. Juliette Gou à la réalisation, Rémi Sistiaga à la technique, la préparation, Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin.